Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou ne se cachera pas et ne suivra pas les règles que les anciens partenaires écrivent et imposent aux autres membres de la communauté internationale lors d'un discours devant le Conseil russe des législateurs à Saint-Pétersbourg. Quelles règles? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, personne ne les a vues. Qui les a écrites, ces règles? Ils les écrivent quelque part sous une couverture et sous la couverture, ils en font eux-mêmes quelque chose. Mais nous n'obtiendrons pas sous les couvertures avec eux, nous ne suivrons pas non plus leurs règles, a noté Poutine. Parmi les priorités du Parlement, Poutine a souligné la garantie de l'intégration juridique des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporosie. Parmi les priorités du Parlement, Poutine a souligné la garantie de l'intégration juridique des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson, qui sont devenues une partie de la Russie le 30 septembre 2022. Ce sont nos terres historiques et nos peuples autochtones. Beaucoup d'entre vous y sont allés. En quoi sont-ils différents de l'autre partie et des autres parties de notre peuple? Ils ne sont pas différents. Ils font partie de notre peuple, a déclaré le chef dudit État. La réunion du président avec les membres du Conseil des législateurs se tenait traditionnellement au palais de Tauride le jour du parlementarisme russe, le 30 septembre 2022. Le président Vladimir Poutine a accepté de signer des documents permettant l'adhésion de la République populaire du Donetsk et de la République populaire de Lugansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporizhzhie à la Fédération de Russie. Selon Moscou, cela faisait suite à des référendums au cours desquels les habitants de ces régions exerçaient leur droit à l'autodétermination et demandaient à rejoindre la Russie. L'Ukraine et ses alliés internationaux ont condamné cette décision en qualifiant cette décision d'annexion du territoire souverain de Kiev. Afrique Média, le monde, c'est nous.